La menace. La menace, hey. Ouais, hein. On vient tout niquer, mon pote. 2006, c'est le bordel. Sabré, Sabré. Non, N-O-R. On a les nerfs, frère. Je me couche et me lève en écrivant des textes. Je passe de la variette au hardcore, je navigue dans les thèmes. J'ai la tête à flinguer des portes, à ne plus avoir de peine. Il paraît qu'on fait tâche dans le décor. C'est l'histoire de ces jeunes qui te braqueraient pour un dessert. Qui n'aiment pas ta gueule, qui font peur au peuple. C'est la barbarie version 2006. Le hip-hop a besoin d'un nouveau grossiste. T'as vu ça? Je l'ai sorti de la cave. Je viens faire passer le message, tout ça grave. On est en perte, un déficit de bâtard. On voit plus deal, on pense à ce qu'on va bringuer ce soir. N'a jamais tort, pense d'abord à sa part. Les gamins du quartier ne jouent plus à la corde. Ils pètent la forme, ils préfèrent caillasser les ch'tards. Ils plient les portes et s'enferment dans les blocs le soir. Pour eux c'est la guerre, viens pas leur chercher la mer. Ils ont plus rien à perdre, si ce n'est les euros à faire. Ils entendent ces histoires de prison, de millions épuisantes. Puis aiguisent le taux de la délinquance. Marche en force, veut toujours un temps d'avance. Fini le Lacoste, cavalier c'est bien plus élégant. Jamais en panne, tu le verras rarement en bas des tours. Les trottoirs de nos villes connaissent bien les allers-retours. Ils savent de quoi ils parlent, ne joue pas les durs. Ça tire vite, je te rassure, les acteurs sont les gars cassures. Voient le fond, ils ne calculent plus la forme. Ils savent là où ils vont et ne dansent jamais devant la porte. Pas trop à l'abri, ça dort pas à rame. Mesurez les plaisanteries, combien ont connu des drames. C'est la vie qui amène ces petits bonhommes à finir à terre ou à parier à l'hippodrome. Je me couche et me lève en écrivant des textes. Passe de la variette au hardcore, je navigue dans les thèmes. J'ai la tête à flinguer des portes, à ne plus avoir de peine. Il paraît qu'on fait tâche dans le décor. C'est l'histoire de ces jeunes qui te braqueraient pour un dessert. Qui n'aiment pas ta gueule, qui font peur au peuple. C'est la barbarie version 2006. Le hip-hop a besoin d'un nouveau grossiste. Bordel, je mets ton cartel en porte-jartel. La délinquance de Marignane kiffe les strings dentelles. N'essaie pas de tenter, la rage de lion trop tentée. Y'a que Dante, rêve tant quand t'es blindé. Arrête la danse, écoute tes penches, reste en indé. Dépendance, c'est fuck ta fashion tendance. Y'a pas de tendresse, j'suis cramé comme mon adresse. J'm'adresse au business, à ceux qui me font la bise, mec. J'rappe un pétage de basse, envoie la maille que j'brasse pétage. J'suis complètement à la masse, moi. J'rappe avec un mastoc, protégeant le stock de rimes. En force la prime, en vie, en prod, en squat, en road. On baisse le red mer, et j'crois que c'est commence de partout. Les lois se font prendre en partout, partout. Même par ces politiques véreux que j'nique, merdique. Comme ce que j'chie, j'viens de là où on t'agite. Au vieux, rien que ça chie. Même la chatise, les chats, c'est la crise. Les petits sont dans le bise et baissent des tasses sur la banquise. Tu crois quoi? Je me couche et me lève en écrivant des textes. Passe de la variette au hardcore, je navigue dans les thèmes. J'ai la tête à flinguer des portes, à ne plus avoir de peine. Il paraît qu'on fait tâche dans le décor. C'est l'histoire de ces jeunes qui te braqueraient pour un dessert. Qui n'aiment pas ta gueule, qui font peur au peuple. C'est la barbarie version 2006. Le hip-hop a besoin d'un nouveau grossiste. Je me couche et me lève en écrivant des textes. Passe de la variette au hardcore, je navigue dans les thèmes. J'ai la tête à flinguer des portes, à ne plus avoir de peine. Il paraît qu'on fait tâche dans le décor. C'est l'histoire de ces jeunes qui te braqueraient pour un dessert. Qui n'aiment pas ta gueule, qui font peur au peuple. C'est la barbarie version 2006. Le hip-hop a besoin d'un nouveau grossiste. We'll be right back.